La première fois qu'on m'a parlé de jeu de rôle, on m'a dit une phrase qui resta gravée dans ma petite tête. On peut jouer ce que l'on veut en jeu de rôle. Génial. Enfin un moyen d'exercer le pouvoir immense d'empathie que nous disposons pour jouer ce que l'on veut. Je réfléchissais déjà à l'étendue infinie de possibilités. Eh bien, j'ai été vite séché quand on m'a montré la feuille de personnage avec classe, race et tout le tintouin. On allait jouer à du D&D avec des races humaines ou au mieux humanoïdes, avec des interactions sociales à l'identique de ce qu'on le connaît, des sociétés et psychologies en vérité très humaines, alors qu'on peut avoir affaire à des kobolds vivant sous terre ou des cubes gélatineux. Quelle paresse intellectuelle. On peut jouer ce que l'on veut. Pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup de mal à suivre cette idée en jouant à des jeux plus traditionnels. Je saisissais néanmoins chaque occasion pour jouer quelque chose de différent. C'était mon espace de jeu. Oui, car après tout, je ne me suis pas présenté, je suis un être humain. Et donc j'aime sortir de ma condition et à partir à la découverte de l'altérité. Et plus elle est profonde, plus j'en jouis. Le jeu de rôle, et j'inclus aussi le GN dedans, est pour moi une des meilleures possibilités pour jouer des entités non humaines, des psychologies complexes avec des mœurs complètement étrangères. La science-fiction le fait très bien depuis des décennies, pourquoi pas nous ? Sommes-nous incapables de rêver et de se projeter ? Sommes-nous coincés à jouer éternellement la même chose comme on jouerait un doudou trop usé ? Je pense que notre empathie est le plus puissant outil pour nous aider à incarner des personnages si loin de nous. C'est une force capable de faire prendre vie n'importe quoi. Un peu comme les enfants qui pleurent quand leur jouet est cassé. On peut entendre alors « il s'est fait mal ». Oui, pas nécessaire d'aller même dans la science-fiction, on peut jouer des objets du quotidien aussi. Les tribulations d'une chaussette pour retrouver sa moitié, l'attente des contentiges dans leur sachet, en jouant sur le fantasme de la main qui en prend quelquefois. Qui est cette main? Quel est son but? Amène-t-elle le coton-tige pris? Ou elle, qu'est-ce qu'elle en fait? Etc, etc. L'empathie peut, je l'avoue, amener des travers comme la trop forte humanisation de l'objet ou de l'être, en oubliant leurs problématiques intrinsèques. Bref, gommant l'altérité de nos personnages. Autre chose qu'on peut me reprocher, c'est que l'altérité peut aussi se retrouver chez l'autre, qu'elle soit chez les aliens ou des êtres humains. L'anthropologie a montré des choses surprenantes au sujet des organisations humaines, de même que la psychologie montre des caractères qui peuvent être très différents selon les individus. C'est vrai, et des fois même, on utilise la figure du monstre pour caractériser des comportements jugés déviants, mais au fond qui sont humains. Bon, tout ça, c'était un peu mon introduction. C'était une sorte de présentation de rôlistiquement. Et quand Tapi Virginia m'a parlé de ce podcast, il m'a dit « C'est chouette, tu pourras parler de grandeur nature, de GN, ou de roleplay écrit, vu que ça va que parler JDR papier, je le sens. » Le GN, je vais pas trop en parler, je me sens pas assez compétente sur le sujet. Seulement, je peux vous donner un seul conseil, j'ai vu récemment qu'il y avait pas mal de choses sur itch.io. Vous trouverez des trucs chelous si vous n'avez pas peur de l'anglais, et c'est plutôt cool. Beaucoup de GN en solo d'ailleurs. Enfin bref, je vais pas m'apesantir dessus. Par contre, pour le JDR écrit, j'ai pu pratiquer de l'alternatif. Ou du moins des pratiques minoritaires. Le jeu par écrit se joue beaucoup par forum, ou par Discord maintenant, en créant des serveurs. Moi, je joue en 1-1, c'est-à-dire du roleplay à deux. C'est souvent un roleplay qui a une réputation un peu sulfureuse, car c'est l'endroit pour faire de la romance ou du roleplay cul, en vérité. Et à ma connaissance, j'ai pas de relation de roleplay à plusieurs dans une relation polyamoureuse. Comme quoi, c'est encore très monogame. Ce serait peut-être à creuser. Mais pour ma part, c'est là que j'ai trouvé le plus de liberté d'action. Je pouvais vraiment incarner ce que je voulais, j'avais une très grande liberté narrative, en fait, elle était infinie, puisque nous étions que deux à tenir la barre. et généralement j'étais souvent la seule, j'ai pu écouler nombreux de mes fantasmes. Le RPJ écrit, puisque nous sommes posés devant nos écrans, permet d'insérer tous les détails de nos personnages qu'on n'a pas toujours le temps de développer sur une table, de travailler une tirade par exemple, ou de jouer un trait de caractère particulier. De plus, le GDR écrit a tendance à faire une pratique que j'aime beaucoup, c'est ce que Arjuna Khan appelait la non-monogamie de personnages. C'est-à-dire jouer plusieurs personnages, le temps d'une scène, ou alors de manière plus durable, ou créer deux personnages d'un coup, ou au tout début, ou 3, 4, 5. Et ça, c'était vraiment chouette. J'ai pu aussi expérimenter en JDR écrit les partages de narration, comme en JDR papier. J'aime beaucoup la position de la confidente dans une Florenza de Thomas Mignet. C'est une MJ très faible qui se retrouve à égalité en pouvoir de narration avec les joueuses. C'est juste une personne qui va proposer des choses aux joueuses et aux joueuses de se les réapproprier. On peut même aussi organiser des tours de MJ. Quand quelqu'un a une idée, Yael devient MJ pendant un moment et passe à d'autres quand Yael a fini. Néanmoins, je remarque quelque chose de sacré et de difficile à déloger dans... C'est la sacralité de l'auteur d'un personnage. J'adore, moi, quand on joue mes personnages et on se les réinterprète, réapproprie ou les transforme. Pour la majorité des joueuses que j'ai vues, jouer le personnage d'une autre, c'est l'outrage suprême. J'aime voir l'effet que ça fait d'un personnage joué par plusieurs personnes. Cela donne un cachet intéressant. Je pense notamment au jeu au théâtre Team Florenza d'Arjuna Khan, toujours, sur Caligula, où il était joué par plusieurs personnes. C'était pour jouer le côté la folie. Et ce sera tout pour moi. Tu as fini comme ça? Ouais, c'est vrai que c'est un peu abrupt, mais... Ouais. Mais en fait, c'est une fin vachement alternative.